sale mon esquif sur l'eau immobile. Alentour les récifs se veulent des îles. J'avance en silence sans fanfare, sans phare, car je sais où je vais, où nul autre que moi. Ciel de nuit, la lune m'offre un champ de brume, des sirènes mais aucune ne s'ancre à ma plume. Aucun manin m'attache, rien ne me dévie. Je suis dur à la tâche, autant qu'à l'envie. J'avance en silence, sans histoire, sans gloire. Un enfer où nul autre que moi. Ouais. offre une plage pour faire la planche, un coin peinard comme un dimanche, avant que ta main ne me débranche. I'm gonna be to lose. Changer à cool et blues. Me sarcophage pour mieux me taire, mais jusqu'au bout je la joue pépère. I got nothing to lose. Je crois que je vais me la couler blues. Allez. Petite plage supplémentaire, le sarcophage pour mieux me taire. Mais jusqu'au jour, un gars de vie de nous, je crois que j'aime la couler blues. Ouais, voudrais mieux. Moi j'aime bien le mi, je reste sur le mi.